Et maintenant, le week-end, écrit par Mudokoni. Lu par Robin Fay. Rating, teen. No archive warnings apply. Fandom, our flag means death. Relationship, Blackbeard / Steed Bonnet. Additional tags for established relationship, future fic, not canon compliant, canon gay relationship, humour, golden age of piracy, fluff, anachronistic, and French characters. Steed s'était endormi avec un livre posé sous la poitrine. Il en avait lu plusieurs chapitres à Ed avant que le sommeil ne le trahisse. Quand le canon retentit, il se redressa si vite que le livre glissa et tomba à terre. Il cligna des yeux. Les rideaux n'avaient pas été tirés et la pâle lueur de l'aube éclairait le lit. Il était beaucoup trop tôt pour se lever, surtout un samedi, mais il se força à quitter la chaleur de son cocon de couverture. Il avait reconnu un goût de semence. Sans prendre le temps d'enfiler une robe de chambre, il se précipita sur le pont. Il fut accueilli par un refus de tous les diables. Malgré l'heure matinale, l'équipage était debout, armé et surexcité. Steed avait beau ne pas être le marin le plus aguerri, il repéra vite la raison de cette effervescence. Massés sur bâbord, les pirates s'apprêtaient à aborder un navire qui portait les couleurs de la France. On avait beau avoir peint ses flancs en damier pour le faire ressembler à un vaisseau de guerre. Il s'agissait, sans nul doute, d'un lourd marchand pour armée. Le chaos régnait à bord. À la vue du drapeau noir des pirates, l'équipage avait paniqué et les marins couraient en tous sens, laissant le bateau à la dérive. Blackbeard avait un talent certain pour repérer ce type de proie facile. Il se tenait déjà en équilibre sous le bastingage, prêt à bondir à l'abordage. Ses longs chevaux gris flottaient au vent et son corps épousait chaque mouvement de revanche, comme s'il ne faisait qu'un avec le voilier. Malgré tout, Steed dut se maîtriser pour ne pas le prendre par la taille et le ramener en sécurité sur le pont. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» En entendant sa voix, Ed se tourna vers lui et le salua avec la frénésie d'un enfant qui se prêtait de déballer ses cadeaux de Noël. « Hé, Steed, va vite t'habiller! Tu ne peux pas aborder dans cette tenue !»« Vous allez attaquer ce navire un samedi? Mais quelle idée !» La surprise se peignait sur le visage d'Ed, mais ce fut Fang qui demanda. « Y a quoi comme problème avec le samedi? C'est pas dimanche, le jour du Seigneur, ou un truc comme ça ?»« Ça dépend des religions, » l'informa Frenchy. Pour les chrétiens, le jour sacré est le dimanche, pour les juifs, le samedi, et pour les musulmans, c'est plutôt le vendredi. Frenchy avait une culture qui étonnait souvent Steed, et il ne put s'empêcher de le souligner. Merci, Frenchy, c'est tout à fait exact, mais la fin de la semaine n'est pas une question de foi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Des soupirs là se lèvent. En tant que co-capitaine, Steed ressentit le besoin de mettre ses poings sur ses hanches pour marquer sa désapprobation. Mais s'il avait conscience de ne pas être très impressionnante avec la longue chemise blanche et le bonnet de nuit qu'il portait. Nous étions de corde pour ne pas travailler le samedi et le dimanche. Ed ouvrit de grands yeux perdus, comme si Steed était soudain mis à parler en latin ecclésiastique. « Capitaine, on ne peut pas laisser filer une occasion pareille, » assure Jim la voix de la raison. « Regardez comme ce navire est bas sous l'eau. Il est plein à craquer de marchandises. Il faut le capturer. » « Mais pas un samedi matin, et de si bonne heure non plus. Ce ne sont pas des manières de gentleman. Le week-end est fait pour se reposer. » Il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de rien foutre pendant 2 jours. Pas du tout. Je vous rappelle que je vous paye, même le samedi et le dimanche. Je suis convaincu qu'en ne travaillant que 5 jours par semaine, vos performances n'en seront que meilleures. C'est bénéfique pour tout le monde. » La main de Jim se crispe sur son poignard. « On devrait peut-être voter, » suggère Hollandais, qui était ne plus partisan des négociations que son ami. « Ok, » approuva Jim. « Que ceux qui sont pour s'en mettre plein les poches, même si on est samedi, lèvent la main. » Tous les pirates lèvent le bras, sauf Ed qui interrogea Steve du regard et hésita à lui avouer. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Soudain, Black Pete pointe le navire français du toit en criant « Capitaine, il tente de s'échapper !» Il ne s'adressait pas à Steed, mais à Blackbeard. Celui-ci reporte immédiatement son attention sur la cible. Profitant de la discussion, les marchands avaient remis de l'ordre dans leur rang et ils s'employaient à hisser le grand voile pour mettre de la distance entre le navire et le revanche. Blackbeard gagne son pistolet et l'arma. « Ah, ah, il résiste le bougre! Alors, pas de quartier !» Les pirates rugirent en cour et agrippèrent les grappins de bordage, ignorant Steed qui ne put que reculer vers sa cabine. Le temps que Steed s'habille, les pirates avaient pris le contrôle du navire français et s'étaient mis à piller ses cales avec application. Avec leur tentative d'évasion ratée, les marchands s'étaient vite rendus et il n'y avait pas eu de grande effusion de sang, même s'ils avaient tout de même pris des coups au passage, question de réputation. Le capitaine avait reçu la crosse de revolver de Blackbeard en plein dans le nez, allongé comme le cabestan. Il essayait de stopper le flot de sang avec un mouchoir. Steed ne put s'empêcher de s'agenouiller auprès de lui et de lui entendre un propre. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais sachez que je suis vraiment sincèrement désolé. »« De quoi ? De nous avoir attaqués ? Vous êtes des pirates, oui ou non ?»« Oui, mais vous abordez un samedi, c'est tellement de savoir-vivre !»« Je ne vois pas le rapport avec le jour. »« Ah, comme c'est curieux ! Vous non plus, vous ne connaissez pas le concept du week-end !» Tout l'équipage célébrait la prise du navire marchand en dansant sur le pont et en buvant des litres de rhum. Seul le capitaine Bonnet ruminait, enfermé dans sa cabine. Il savait qu'il avait tort de bouder. Il ne pouvait pas leur en vouloir d'avoir agi en pirate. C'était dans la nature et il avait récupéré à bord du Français du thé indien et plusieurs tonneaux d'une excellente confiture. Mais il n'arrivait pas à prendre celui et à oublier ce qu'il considérait comme une nouvelle trahison de la part de son équipage. Debout devant une fenêtre, les mains jointes dans le dos, il contemplait l'océan et méditant sur la folie des hommes. Il ne réagit pas quand la porte de la cabine s'ouvrit. Il n'eut pas besoin de se retourner pour connaître Blackbeard. Il connaissait par cœur le bruit de ses bottes sur le plancher. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Toute seule. On est en train de faire des quiz musicaux. Quelqu'un chante le début d'une chanson et on doit retrouver la suite. Tu aimes ce jeu? Il aimait surtout entendre Ed chanter, mais il n'allait pas en parler maintenant. Je n'ai pas le cœur à faire la fête. C'est à cause de moi? Non. Ed le poussa de coude, le forçant à se retourner. Dès qu'il croisa son regard peinot, Steed sentit sa colère décroître. « Je vois bien que ça ne va pas. Tu es en colère pour cette histoire de jour de repos. Je suis désolé, j'ai pu oublier, mais je suis presque sûr que tu ne m'en as pas parlé. »« Non, ce n'est pas ta faute, mais j'aurais aimé qu'au moins un membre de mon équipage s'en souvienne. J'ai passé des heures à leur expliquer le concept de fin de semaine et ils n'en ont rien à faire. » On sait, on met la vie est courte et difficile. Je fais mon possible pour le rendre plus agréable. Quoi que tu fasses, ce qui fait tenir les hommes, c'est la perspective d'un boutin. Il n'y a rien de plus fort. Tu ne peux pas lui demander d'y renoncer, même si c'est pour le bien. Je sais, je n'oblige personne à me suivre. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut sur ce bateau, mais c'est juste que parfois j'ai l'impression de pisser dans un vilain. Excusez mon français. Ed se mit à rire, mais il ne se moquait pas de son expression. Il aimait quand Steed démontrait toutes ses qualités de gentleman, mais il adorait aussi quand il perdait ses bonnes manières et se comportait plus comme un ruffian. Son regard pétillant et toute notion de rancune quitta l'esprit de Steed. Il ne pouvait jamais lui résister bien longtemps. Ed se rapprochait un peu plus. Il lui tapota l'épaule et murmura presque « Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pendant un week-end ?»« Eh bien, on peut profiter de son temps libre pour faire de longues promenades sur la plage, aller voir des pièces de théâtre, faire de la pâtisserie, rendre visite à des proches. » Il pensait à son ancienne vie à la Barbade. Les fins de semaine y étaient très en vogue. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais ce n'est pas très adapté à l'existence d'un pirate. Ce ne sont que des exemples. On peut aussi ne rien faire du tout, rester toute la journée au lit ou prendre de longs bains à deux. Ed plissa les yeux, tout en souriant d'un air canaille. Ça commence à m'intéresser. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non, je suis sérieux, Steed. J'ai envie de passer un week-end avec toi. Montre-moi comment on fait. La bouche soudain sèche, Steed déglutit avec difficulté. Ed avait le don de lui faire perdre tous ses moyens. Il était toujours si attentif à ses besoins et à ses sentiments. Il l'écoutait, posait des questions, cherchait à comprendre et s'assurait toujours qu'il était partant pour tout ce qu'il partageait. On peut déjà commencer par prendre le petit déjeuner au lit. C'est le milieu de l'après-midi. Steed prit sa main dans la sienne. Le week-end, il n'y a pas d'heure pour le petit déjeuner. Oh! Ed se laissa sans peine entraîner vers le lit qu'il partageait dans l'alcôve. Il était déjà tard dans la soirée quand il se souvint de commander le petit déjeuner, ce qui étonna beaucoup Roach en cuisine. Quelques semaines plus tard, en Angleterre, le roi était assis sur son trône, avec la longue perruque blanche et tous les rubans et dentelles qu'il portait. Il faisait penser à un gâteau décoré de chantilly, même si personne n'osait le lui faire remarquer. Quel est l'ordre du jour? Vite, qu'on en finisse, maugréa-t-il. Son premier ministre ne se laissait pas impressionner. Il était habitué au caractère acriâtre de son souverain. Le plus agent est ce lettre que nous venons de recevoir du roi de France. Je ne vous cache pas qu'il est très énervé. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il est hors de question que je lui rende l'Acadie. Et je ne lui prêterai pas un penny pour agrandir son Versailles. Ce n'est pas une question d'argent ou de territoire. Il dit que son peuple est au bord de la révolte. Les Français ont arrêté de travailler. Ils appellent ça une grève. Il n'y a que eux pour avoir des idées pareilles. Ils exigent de bénéficier de 2 jours de congé consécutifs par semaine, de préférence le samedi et le dimanche. En quoi ça me concerne? Le roi de France assure que ce week-end, comme il le nomme, serait une invention anglaise. Nous avons des rapports de nos espions qui indiquaient que le mouvement est parti du port de Brest et qu'il est en train de gagner plusieurs pays d'Europe. Il y a d'autres plaintes qui sont arrivées. Mais il y a aussi beaucoup de courriers de gens qui nous remercient. Fin. The end. Reader's notes. Merci beaucoup à l'auteur pour m'avoir donné la permission d'enregistrer ce fic. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français, donc je suis désolée pour toutes les erreurs. Et si c'est un peu bizarre, mais j'aime bien lire des choses en français aussi qu'en anglais. Et j'adore Sophie avec l'idée que Steed a inventé le week-end et l'introduit au français. C'est parfait. Donc, merci beaucoup. Au revoir.